Le rassemblement militaro-civil de la ville de Pyongyang a eu lieu le 13 septembre sur la place Kim Il-sung pour féliciter la réussite à l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire qui a manifesté la puissance nationale de la Corée du Sud. Y ont figuré Fang Byung-sung, Park Bong-joon, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, le président d'un parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées, du cabinet, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les officiers et soldats de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres et les travailleurs des organismes, usines et entreprises de tout échelon de la ville de Pyongyang, les jeunes étudiants et les compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. Le premier ministre Park Bong-joon, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, a lu la déclaration de l'Institut des armes nucléaires de la République populaire démocratique de Corée. Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, Yoon Dong-hyun, vice-ministre des Forces armées populaires, Chang Chol, directeur de l'Académie nationale des sciences, Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, ont prononcé des discours de félicitations. Les orateurs ont félicité les scientifiques et les techniciens de l'Institut pour la réussite à l'essai d'explosion destiné à estimer la capacité de l'ogive nucléaire nouvellement fabriquée selon le dessein du Parti pour l'édification des forces armées nucléaires stratégiques à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de notre glorieuse République. Ils l'ont qualifié d'événement particulier qui garantit la prospérité éternelle et la sécurité de la puissance Paektusan, d'événement national qui a inspiré la confiance et l'optimisme en la victoire finale à tous les militaires et civils engagés dans l'éducation d'une puissance socialiste suivant la direction du Grand Parti. Ils ont fait remarquer que les événements spectaculaires réalisés dans le secteur de l'industrie de défense nationale en faisant valoir toute la capacité nationale et toute la force de la Corée du Sud, renforcée en dépit des épreuves de l'histoire et du défi des ennemis, constituent la victoire exaltante due à la direction dynamique et au dévouement patriotique du respecté camarade Kim Jong-un. Ils ont appelé tous à s'unir plus étroitement autour du camarade Kim Jong-un et à militer avec force pour édifier plus vite une puissance socialiste tutsé, paradis du peuple.